La réflexion qui suit est une élaboration libre à partir de l'article « Tu sais, bébé, mon cœur n'est pas sur liste d'attente » publié par Solène Haas sur le blog Un bruit de grelot. Par honnêteté intellectuelle envers les personnes qui, autour de moi, se montrent critiques face au polyamour, je vous envoie cet article, qui parle de responsabilité affective et surtout de ne pas s'auto-congratuler trop vite. Dessous, je vous livre également, en exclusivité, enfin presque, mon point de vue sur le polyamour, parce que ça fait un moment que je me dis qu'il serait utile que je le fasse, à minima pour les personnes qui me sont proches, mais aussi, pourquoi pas, parce que je suis un peu mégalo sur les bords et que j'ai toujours l'impression que ma réflexion peut intéresser au-delà, le monde. Il est écrit dans l'article que « la relation, en tant que ressource, est épuisable et finie, ne serait-ce que pour des raisons matérielles de temps. On ne peut mathématiquement pas multiplier les relations sans que cela n'affecte l'accès que d'autres personnes auront aux relations. Et, comme pour le capitalisme, les plus riches s'enrichissent toujours, et les plus pauvres s'appauvrissent toujours. Celles qui ont du capital social et qui baisent auront encore plus de capital social et de baise, et celles qui n'en ont pas en auront encore moins. Certes, peut-être que dans nos altermondes prétentieux, certaines personnes auront accès à certaines ressources qu'elles n'auraient pas pu espérer dans le monde normal des grands méchants. Mais cela ne constitue jamais qu'un changement de forme, un agencement différent des mêmes éléments. On colonise de nouveaux territoires. Pour commencer, je pense qu'il me faut partir, une fois n'est pas coutume, de mon expérience individuelle des relations amoureuses et au final du polyamour. L'avez-vous remarqué, je suis de ces intellectuels qui trouvent utile d'étaler leur psychanalyse sur l'espace public pour expliquer la généalogie de leur pensée. Des os pas des os, comme ils disent les jeunes. Enfin, les jeunes. Pour faire court, j'ai jamais réussi à être exclusif. Mon schéma relationnel se dessinait ainsi. Tomber amoureuse, me sentir enfermée, dire que je ne pouvais pas le rester. C'est important, je n'ai jamais trompé personne, parce que j'ai toujours été honnête sur le fait qu'à minima, j'allais le faire. Je n'ai jamais été exclusive, non, mais j'ai toujours été honnête à ce sujet. Tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, quitter la personne avec qui j'étais. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais incapable d'aimer. Ouais, à ce point-là. Pourquoi ? Parce que mes relations duraient quelques mois, qu'arrivait ce moment de crise où la personne ne me suffisait plus, ou plutôt où je sentais la relation se refermer sur moi, et qu'alors je paniquais, je partais, non sans avoir cassé quelques pots sur mon chemin. Je vous laisse imaginer le degré de haine de moi-même auquel j'ai pu arriver à cause de ça. C'est bon ? Continuons. À un moment, j'ai découvert le polyamour, ou plutôt j'ai découvert qu'il était possible d'aimer plusieurs personnes sans être une immonde personne soi-même. En premier lieu parce que j'aimais une personne que j'aime encore aujourd'hui et réciproquement, et que cette personne ne désirait pas entretenir une relation romantique avec moi. Je l'aime encore aujourd'hui d'une façon qui n'est plus romantique, mais qui en fait une des relations, si ce n'est la relation, la plus stable que j'ai la chance d'avoir. Or, à un moment donné, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Il m'a fallu quelques semaines, ou peut-être plusieurs mois, pour réaliser ce fait. J'aimais deux personnes, et la situation n'était pas pathologique. Mind blown. Bref, pour moi, le polyamour, ça n'est pas le fait d'avoir plusieurs amoureux et amoureuses, même si ça peut l'être. Ça n'en est pas non plus, à mon sens, le but. Le polyamour, c'est donc, dans ma vision, plusieurs choses différentes que j'exposerai tour à tour. En premier lieu, le polyamour se caractérise par le refus de la possession d'autrui. En gros, l'étape zéro du polyamour, c'est dire à ton ou ta partenaire et le penser « Je peux me sentir blessée par la vie que tu mènes et les choix que tu fais, mais j'ai aucun droit de t'empêcher de le faire. » Pourquoi dis-je étape zéro ? D'abord parce que c'est la condition sine qua non d'une relation polie, c'est-à-dire de n'importe quelle relation amicale, amoureuse, sexuelle, entre au moins deux personnes consentantes qui appliquent ce précepte initial. Je le répète, pas besoin d'être en relation avec quatre personnes pour être poli à mon sens. Ensuite, parce que comme stipulé dans l'article, ça n'est souvent pas suffisant. Confère sa responsabilité affective, tout ça. Le corollaire de cela est bien entendu que même s'il est possible de ressentir de la jalousie, il ne faut pas, au grand jamais, la considérer comme légitime. La pathologie majeure de la monogamie instituée, c'est celle, nourrie par romans, films et autres représentations culturelles, qui consiste à dire « Oh, il y a les jalouses, c'est mignon ». Non, la jalousie, c'est pas mignon, c'est toxique. Point. Je vais pas revenir là-dessus. Il est possible de ressentir la jalousie parce qu'on est tous humaines et qu'on ne peut pas exiger la disparition d'un sentiment, encore moins en une génération ou deux. Je suis par exemple susceptible de ressentir de la jalousie. Auquel cas, je vais dire un truc du style « Je me sens un peu jalouse que tu vois cette personne. » Ça veut pas dire que je te demande de cesser de l'avoir, bien entendu, mais j'aimerais que tu m'en parles pour me rassurer. Vient ensuite, logiquement, la question de la responsabilité affective. Si la personne à qui je confie le ressenti ci-dessus me dit « deal with it » et repart dans l'instant folâtré avec le ou la partenaire par rapport à qui je me sentais insécure, c'est-à-dire qui provoquait chez moi un sentiment d'insécurité affective, bah je vais me sentir carrément mal. En fait, même si j'ai tort de me sentir insécure ou jalouse, si la personne envers qui, et pas à cause de qui, hein, il serait temps d'arrêter de toujours rejeter la faute sur l'autre, envers qui je ressentais cela me laisse gérer ça toute seule, ça se passera mal. Vous connaissez le principe de la cristallisation? En l'occurrence, laisser une personne amoureuse toute seule dans une pièce pendant quelques heures, ajouter une dose d'insécurité, secouer et c'est prêt. Vous avez créé un fantasme paranoïaque. La responsabilité affective, c'est donc le moyen de désamorcer les éléments pathologiques qui peuvent naître du fait de se lancer sans filet dans un nouveau type de relation dans lequel l'autre n'est plus acquis. Concrètement, la plupart des situations d'insécurité se règlent avec un câlin, une discussion apaisée, dans les cas les plus difficiles par la mise en place de paliers progressifs vers une relation pleinement polie où tout le monde se sentira libre, et pas seulement l'une des personnes. Pour certaines, ça passe par le fait de rencontrer des autres partenaires, de son ou sa partenaire, de son ou ses partenaires. Pour d'autres, par un repli ponctuel sur le couple pour panser ses plaies, type week-end en amoureuse. Pour d'autres, par le regain d'agentivité romantique en s'inscrivant sur un site de rencontre, par exemple, etc. Il y a autant de solutions que de personnes, ou presque. L'élément central étant la bonne volonté de toutes les personnes impliquées, c'est-à-dire d'abord le respect absolu de la règle zéro. Un autre acquis fondamental de ma perception du polyamour et de l'expérience que j'en ai, c'est l'idée que les relations ne s'inscrivent pas dans des cases, mais sur un spectre, dont je ne suis pas sûre qu'ils puissent se satisfaire d'un espace en trois dimensions. Il n'y a pas d'un côté les amis, à côté les amantes, puis les amoureuses, voire les copains, copines, et les épouses. Si j'aurais tendance à écarter cette dernière catégorie parce qu'elle tend, par son caractère institutionnel, à rigidifier et à hiérarchiser les relations, il est à noter que je ne la condamne pas. Je pense simplement qu'elle nécessite des soins particuliers pour fonctionner dans une optique polyamoureuse, mais de nombreuses personnes y parviennent, avec brio. Percevoir les relations sur un spectre, c'est d'abord ne pas être obligé d'annoncer, ne serait-ce que pour soi, « cette personne est liée à moi par une relation amoureuse de type couple ». D'aucune nomme ça l'anarchie amoureuse. Une amie chère m'a fait remarquer il y a quelque temps que notre relation était en sinusoïdale. Tantôt quasi-fusionnelle, tantôt irritée aux distances, etc., mais alternativement. D'une façon comparable, la relation que j'entretiens avec la personne avec qui j'ai enclenché le processus de prise de conscience de l'existence et de la viabilité du polyamour est en fait la 5e, 6e, 20e peut-être relation qu'on a eue. D'abord amante, puis amie, meilleures amies, amante à nouveau, ensemble, amoureuse, amie encore. En fait, on a rapidement laissé tomber au profit de la certitude de l'importance réciproque de notre relation. Ainsi, le polyamour, pour moi, c'est aussi accepter que les relations fluctuent, et que ça n'est pas grave. Que redevenir amie, alors qu'on était amoureuse, ce n'est pas un déclassement, mais une évolution de la relation, une fluctuation qui s'enrichit toujours de l'expérience commune. Et je la scène, ça n'est pas grave. Ne plus être amoureuse, ça n'est pas grave. S'éloigner, ça n'est pas grave. Se rapprocher à nouveau, coucher ensemble alors qu'on était amoureuse avant mais qu'on ne l'est plus, s'embrasser alors qu'on est amie, ne pas se désirer alors qu'on s'aime. Rien de tout ça n'est grave, décisif, péremptoire. Les relations sont spectrales, et chaque élément biographique est un prisme qui en modifie la fréquence. Ça n'est pas grave, non. C'est beau, et c'est sain. Depuis que je suis entrée, pas à pas, dans le polyamour, je n'ai plus coupé les ponts avec qui que ce soit. En fait, presque, à très peu d'exceptions près, toutes les personnes dont j'ai été amoureuse, qui ont été amoureuses de moi, avec qui j'ai été, avec qui j'ai couché, sont des personnes qu'à minima je respecte, souvent avec qui je suis amie, parfois que j'aime, et surtout ce sont des personnes que je peux croiser dans la rue ou dans un GN avec plaisir, sans gêne, et de qui je suis sincèrement contente d'avoir des nouvelles. Ça ne veut pas dire que je me suis pas engueulée avec, parfois violemment, celles qui me connaissent savent bien que la chose est fréquente avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments difficiles, mais avec du dialogue et du respect, les choses ont pu s'apaiser, et la relation prendre une forme nouvelle, sans cesse fluctuante. Pour en revenir à l'article, le polyamour ne saurait être capitaliste, parce qu'il ne peut s'envisager sans développement durable. Il n'est pas l'affaire de nombre, de conquête, de collection. Il est l'affaire d'un respect mutuel entre toutes les personnes, d'un engagement profond en faveur de l'honnêteté, de la communication et du care. Même si c'est quelque peu anachronique, je finirai sur une citation d'Aristote, issue de l'Éthique à Nicomaque. Mais en ce qui regarde les amis vertueux, doit-on en avoir le plus grand nombre possible, ou bien existe-t-il aussi une limite au nombre des amis, comme il y en a pour la population d'une cité? Si 10 hommes, en effet, ne sauraient constituer une cité, 100 000 hommes ne sauraient non plus en former encore une. Mais la quantité observée n'est sans doute pas un nombre nettement déterminé, mais un nombre quelconque, compris entre certaines limites. Ainsi, le nombre des amis est-il également déterminé, et sans doute doit-il tout au plus atteindre le nombre de personnes avec lesquelles une vie en commun soit encore possible. Car, nous l'avons dit, la vie en commun est d'ordinaire regardée comme ce qui caractérise le mieux l'amitié. Or, qu'il ne soit pas possible de mener une vie commune avec un grand nombre de personnes et de se partager soi-même entre toutes, c'est là une chose qui n'est pas douteuse. On ne peut pas avoir pour une multitude de gens cette sorte d'amitié basée sur la vertu et sur la considération de la personne elle-même. Il faut même se montrer satisfait quand on a découvert un petit nombre d'amis de ce genre.